La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bonsoir, nous sommes le jeudi 15 juin 2017 et c'est l'heure du magazine Libertaire, une émission diffusée tous les jeudis de 20h40 à 22h sur l'antenne d'Alternante. Alors Alternante est une radio associative qui a besoin du soutien de ses auditrices et de ses auditeurs pour diffuser ses émissions. Et qui a 30 ans. Et qui a 30 ans, accessoirement. Vous pouvez nous joindre aussi par téléphone au 02 40 93 26 62, par mail à maglib@boom.org et réécouter nos émissions en podcast sur notre site maglib.boom.org. Alors au programme du soir, on va vous parler expulsion d'un squat, on va causer de la prochaine loi antiterroriste, on va revenir sur les témoins de Rennes qui ont été arrêtés dans l'enceinte du tribunal. Et on va aussi faire le billet foutraque qui sera sur les libertariens. On va parler d'un centre plus ou moins de rétention pour des migrants à Menton. Et on passera aux annonces. Voilà. Et ben je passe la parole à toi. Ok, ben moi je vais vous parler de l'expulsion d'un squat. Et pour changer, puisqu'on est toujours en train de se plaindre et tout, ben pour une fois, on va se réjouir. Et donc, vous pouvez vous réjouir avec moi de l'expulsion d'un squat. Donc, c'est à Lyon. Et donc, c'est l'immeuble squatté par les fachos du GUD qui a été expulsé, donc, mardi. Donc, c'est un bâtiment, en fait, qui était occupé depuis fin mai, avec pour objectif d'héberger des Français de souche en difficulté, pour aider les nôtres avant les autres, ou alors plutôt les nôtres plutôt que les autres. Voilà, donc c'est la ville de Lyon qui est propriétaire des lieux, qui avait réclamé devant la justice l'expulsion sans délai, et comme elle sait le faire pour toutes sortes de squats d'ailleurs. Et donc il y a un huissier qui est venu sur place mardi matin pour faire connaître la décision de justice aux membres du GUD. Une quarantaine de policiers et CRS est intervenu vers 16h pour faire céder les portes de l'immeuble et ont délogé les occupants. Voilà, voilà, pour une fois. Ça a dû leur faire mal au cœur, les flics, de virer les gens du GUD. Ce sont les amis, quand même. Ouais, tu parles. Et dans la foulée, on passe voilà, à ce qui nous attend bientôt. Eh ben ouais, on n'aurait qu'à enchaîner sur la prochaine loi antiterroriste. Ça fait à peine un mois qu'il et elle sont arrivés au gouvernement et déjà un avant-projet de loi antiterroriste est rédigé. Pas de doute, on est bien en Macronie. Dans son bouquin, au titre un petit peu étonnant parce qu'il s'appelle « Révolution », Macron disait qu'il fallait collectivement préparer, dès que cela sera possible, la fin de l'état d'urgence. Plus loin, il disait aussi que nous n'avons pas à vivre en permanence dans un régime d'exception et qu'il faudrait revenir au droit commun tel qu'il a été renforcé par le législateur. Ça, il fait référence aux lois sécuritaires antérieures, combien effectivement renforcé le tout sécuritaire, quoi. Et on aurait pu croire que Macron y préconisait de ne plus prolonger l'état d'urgence et de se servir des lois sécuritaires déjà existantes et effectivement déjà bien attentatoires à un certain nombre de libertés. Eh ben, pas du tout. Déjà, le 5 mai dernier, deux jours avant le second tour des élections présidentielles, il annonçait la couleur dans un entretien accordé à Mediapart où il disait « Vous arrêtez l'état d'urgence. Vous avez 15 jours après un attentat avec un fichier S qui était identifié, sur lequel on n'a pas pu faire de perquisition administrative. Ben, bon courage, là, le pays, vous le tenez plus. » Le 24 mai, donc ça fait deux semaines après, même pas de 10 jours après, 20 jours après, pardon, presque 3 semaines après, et moins de 3 semaines après son élection. Emmanuel Macron, il annonce dans un communiqué qu'il va demander au Parlement une nouvelle prolongation de l'état d'urgence. Donc contrairement à ce qu'il disait pendant sa campagne, quoi. C'est la sixième prolongation et ça devrait repousser à novembre 2017, la fin de l'état d'urgence qui fêtera alors ses 2 ans. Et comme on est en Macronie, en attendant, le président et le gouvernement et le Parlement, ils vont pas se tourner les pouces parce qu'ils prévoient déjà une nouvelle loi antiterroriste dont l'avant-projet a été transmis au Conseil d'État. Cette énième loi sécuritaire, il y a eu plus d'une centaine de lois en fait qui ont été promulguées depuis les années 2000, depuis l'an 2000. Donc sur cette centaine de lois, tout ou partie, elles sont sécuritaires. Donc cette énième loi sécuritaire, appelée loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Alors c'est mal rédigé, on pourrait croire que la loi, elle renforce, elle est contre la sécurité intérieure, mais non, elle est contre le terrorisme et elle renforce la sécurité intérieure. Et cette énième loi, elle a objectif de pérenniser une partie des dispositions de l'état d'urgence en les faisant entrer dans le droit commun. Il y a déjà eu la loi Urvoas en juin 2016 qui avait inscrit un certain nombre de dispositions dans le droit commun. On avait retrouvé par exemple la possibilité d'assigner à résidence pendant un mois des individus, des, je cite, « individus de retour de théâtre d'opérations de groupements terroristes », en gros par exemple la Syrie. Mais contre cet individu, il n'y avait pas d'éléments qui justifiaient une mise en examen. La loi, elle permettait de les assigner quand même à résidence. Et cette assignation à résidence, elle était décidée en fait déjà par les préfectures, il me semble. Et cette loi, elle avait aussi cette loi et puis la loi aussi une loi en juillet 2016. Elles avaient considérablement renforcé les pouvoirs des préfectures et des procureurs, et notamment en permettant de contourner les juges d'instruction, pardon, dans un certain nombre de procédures. Et ben, l'avant-projet de loi qui va être présenté en Conseil des ministres le 21 juin va plus loin encore. Et avant de regarder ensemble là où il va plus loin, je voudrais quand même faire une spéciale dédicace au journal Le Monde qui a diffusé la version intégrale de l'avant-projet de loi dans sa version dans son édition en ligne du 7 juin, mais qui a cru bon de réserver sa lecture en ligne aux abonnés du site. Du coup, c'était super sympa. Si t'es pas abonné au site, en fait, si t'as pas 179 € par an à foutre dans un abonnement à un site internet, eh ben, tu peux pas savoir ce qui t'attend dans la prochaine loi antiterroriste. C'est quand même sympa. Merci Le Monde. Si c'est votre façon de voir votre devoir d'information, on est mal barré. Ouais. Bref, on aurait qu'à aller regarder ce projet de loi. Du coup, l'article 1, donc ça va peut-être être un peu chiant, mais... Bah tant pis, hein, faut le faire quand même. Tout à fait. Vous en prendrez au monde qui vous a pas permis de le lire gratos en ligne. L'article 1, en fait, il permet la création de périmètres de protection. Donc c'est le terme périmètre de protection. Et en fait, ces périmètres, ce sont des lieux dans lesquels il sera possible de réglementer l'accès et la circulation des personnes par arrêté préfectoral. Ces périmètres, ils seront créés sur le fondement d'une exposition particulière à un risque d'acte terrorisme, notion suffisamment floue pour que peu de lieux ne soient pas concernés, en fait. Dans ces zones, du coup, voilà, ça permet de créer ces zones. Et qu'est-ce qu'on pourra faire dans ces zones? Ben, dans ces zones, en fait, il sera possible de faire des inspections visuelles ou des fouilles de bagages, de procéder à des palpations de sécurité ou encore à des fouilles de véhicules. Actuellement, ce type d'opération est déjà possible. Par exemple, on a pu le constater la semaine dernière sur le village associatif de la Pride à Nantes, mais aussi sur le village hip-hop début juin, sur le marché de Noël en décembre, ou encore, et je vais arrêter là, au rendez-vous de l'Erdre fin août. Donc c'est des dispositions qui sont déjà possibles. Elles sont possibles d'abord dans le droit commun, donc hors de l'état d'urgence, sur réquisition du procureur à des fins de recherche et de poursuite pour une longue série d'infractions. Et s'il n'y a pas de réquisition, en fait, c'est possible avec l'accord de la personne ou à défaut avec l'accord du procureur. Ça veut dire s'il n'y a pas de réquisition du procureur pour une zone précise de fouille, etc. Par exemple, les flics, ils vont demander « Ah, est-ce que t'es d'accord pour que je te fouille ou pour que je fouille ton sac ?» ou « Est-ce que t'es d'accord pour que je fouille ton véhicule ?» Toi, tu vas dire non. Et eux, ils vont appeler le procureur qui va dire « Ouais, d'accord, t'auras qu'à le fouiller, tu te feras fouiller. » Mais ça vaut toujours le coup de refuser quand même. Enfin, t'auras qu'à te faire fouiller tes bagages. Ça vaut toujours le coup de refuser quand même parce que plus les flics, ils sont confrontés en fait à du refus et à des démarches, en fait, donc d'être obligé d'appeler le procureur, plus c'est chiant pour eux de le faire et plus peut-être ils renoncent à ce genre de truc. Donc c'était possible sur réquisition du procureur par les flics et les vigiles de boîtes privées. En fait, ils peuvent aussi procéder à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, si la personne est d'accord, toujours, dans des conditions particulières, mais qui sont suffisamment larges. Ils peuvent aussi participer à des palpations de sécurité, toujours si on est d'accord, hein. Mais tout ça, ils ont le droit de le faire qu'à l'intérieur des bâtiments et dans les limites des lieux dont ils ont la garde. Et donc ça, c'est le droit existant. Pendant l'état d'urgence, la version de juillet 2016 de l'état d'urgence, elle est venue renforcer tout ça. Et elle stipule que les préfets peuvent délivrer ces réquisitions, en fait, qui permettent les fouilles de bagages, enfin tout ce qu'on vient de dire, quoi. Voilà, mais ceci dans des lieux définis et pour 24 heures. Et ce que va changer, je sais pas si c'est clair jusque-là, mais ce que va changer en fait ce projet de loi, s'il était adopté, c'est que les préfectures, en fait, du coup, elles vont pouvoir, hors du cadre de l'état d'urgence, elles vont pouvoir prendre des réquisitions qui vont permettre la fouille des bagages, l'inspection visuelle et les palpations de sécurité et les fouilles de véhicules. Ça, c'est dans l'état d'urgence et ça devient dans la loi, dans le droit commun. Ça va arriver dans le droit commun. La limite des lieux, c'est aussi quelque chose qui change parce que jusqu'à présent, les lieux, ça pouvait être que des périmètres des périmètres qui étaient concernés par une exposition particulière à un risque d'acte terroriste. La nouvelle loi, en fait, enfin la loi qui est prévue, elle élargit en fait ce périmètre aux lieux avoisinants. Et du coup, c'est pas par exemple comme on a pu le voir. Je sais pas, au village associatif de la Pride, c'est pas un endroit qui est entouré de barrières et où quand tu veux rentrer où tu te fais fouiller, en fait, c'est un endroit qui est jugé pouvant être soumis à des risques terroristes, et c'est tous les endroits alentours qui pourraient être fouillés. Si on prend l'exemple de la Pride la semaine dernière, ça fait que c'est pas juste la place Bretagne, en fait, qui est soumise à contrôle, mais ça peut aller de commerce à... Ça aurait pu aller de commerce jusqu'à l'Erdre, imaginons, où, en fait, flics, agents de sécurité de boîtes privées, etc., auraient pu fouiller les personnes. Ce qui change aussi, c'est qu'il n'y a plus de limite de temps. Aujourd'hui, c'est 24 heures, ces réquisitions, elles durent 24 heures, et, en fait, dans l'avant-projet de loi, il n'y aura pas de limite de temps. Ces réquisitions, elles pourront, en tout cas, il ne s'est pas précisé qu'il y a une limite de temps. Ce que ça change, c'est que ça donne aussi beaucoup plus de pouvoir aux flics, qui voient leur espace de nuisance s'élargir, mais aussi pour les agents de sécurité des boîtes privées et la police municipale, qui auront la possibilité d'assister les policiers et les gendarmes dans toutes ces opérations. Ce qui, aujourd'hui, du coup, c'est pas le cas. Ils n'ont pas le droit de faire tout ça en dehors des lieux, en fait, qu'ils gardent et des lieux privés dont ils ont la garde. Les personnes qui se soumettent pas à ces contrôles se verront interdire la circulation dans l'ensemble des zones indiquées par l'arrêté préfectoral. Donc ça, c'était pour l'article 1 et sur la création de zones, sur la création de périmètres de protection. L'article 2, lui, il permet au préfet de prononcer la fermeture de lieux de culte dès lors qu'ils estiment que les propos qui y sont tenus, les idées ou les théories qui y sont diffusées et ou les activités qui s'y déroulent provoquent à la discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger, ou font l'apologie de tels agissements. Jusqu'à maintenant, pour fermer un lieu de culte, ça demandait une décision de justice. sauf depuis l'instauration de l'état d'urgence, du coup, dont l'article 8 permet de fermer des salles de spectacle, des bars et des espaces de réunion, dont les lieux de culte font partie. Et l'article, la version de juin 2016 de l'état d'urgence précise, stipule en fait que ça s'adresse particulièrement aux lieux de culte, l'état d'urgence aussi. Du coup, voilà, donc ça c'est encore un bout, l'article 2 c'est encore un bout de l'état d'urgence qui rentre en fait dans le droit commun. L'article 3, il concerne l'assignation à résidence et la surveillance d'individus. Et du coup, c'est encore des bouts en fait de l'état d'urgence qui rentrent dans le droit commun. Jusqu'en juin 2016, les assignations à résidence administrative, c'est-à-dire les assignations qui ne sont pas décidées par la justice, elles faisaient partie de mesures réservées à l'état d'urgence. Les lois de juin et juillet 2016 ont fait entrer dans le droit commun cette possibilité en autorisant le Premier ministre à assigner à résidence pour un mois, renouvelable deux fois, des personnes qui reviennent d'endroits dits théâtres d'opérations de groupements terroristes, sans qu'aucune infraction ne leur soit reprochée. Le projet de loi dont on parle, il prévoit de son côté d'élargir cette possibilité en augmentant les cibles possibles. L'assignation à résidence, elle pourra être décidée, toujours par le ministre de l'Intérieur, pour les personnes à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Donc ça, c'est super précis quand même. La deuxième cible, c'est les personnes qui sont en relation habituelle avec des individus ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes terroristes. Donc ça, c'est quand même, ça c'est peut-être un tout petit peu plus précis, mais le fait d'être en relation individuelle avec quelqu'un, ça fait pas de toi quelqu'un qui commet des infractions. La troisième cible, c'est les personnes qui soutiennent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger ou faisant l'apologie de tels actes. La durée, donc ça c'est l'élargissement des cibles pour l'assignation à résidence. La durée pour l'assignation à résidence, elle augmente aussi parce qu'elle passe de 3 mois maximum à 3 mois renouvelables sans que ce soit dit le nombre de fois où c'est possible de le renouveler. L'article en question, donc cet article 3, il prévoit aussi la possibilité de placer des personnes assignées ou non d'ailleurs, sous surveillance électronique. Il prévoit de les obliger à fournir leurs identifiants et mots de passe de tous leurs moyens de communication électronique. C'est une disposition qui avait été rejetée lors de l'adoption de la loi Urvoas en juin 2016. Du coup, c'est pas grave, on essaye de la remettre maintenant. Comme ça, si ça passe, ça passe. Avec une nouvelle assemblée, un nouveau Sénat, peut-être que ça passe mieux. Cette loi, elle prévoit aussi d'interdire aux personnes de fréquenter une liste de personnes, une liste nominative, du coup, de personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Et dernier truc, elle prévoit aussi, cet article, on en est qu'à l'article 3, il prévoit aussi d'obliger les gens qui seraient ni assignés ni sous bracelet à déclarer leur domicile, à déclarer leur changement de domicile, à déclarer leur déplacement à l'extérieur d'un périmètre donné. Au minimum, le périmètre, c'est la commune. Donc si tu fais partie de ces personnes-là et que tu veux quitter ta commune pour je ne sais quoi, tu serais obligé de le déclarer, aux autorités. Ça, c'est pour les cibles dont on parlait au début, quoi. Des personnes dont on pense que leur comportement pourrait troubler. C'est ça, pour les personnes qui sont suspectées. Mais suspectées de n'avoir commis aucune infraction. Oui. Les obligations dont on vient de parler, en fait, elles pourraient être prononcées pour 6 mois, renouvelables. Et là aussi, encore, on ne sait pas pendant combien de temps elles seraient renouvelables. L'article 4, il parle de perquisition, et du coup, pareil, c'est de faire rentrer dans le droit commun, en fait, le régime des perquisitions de l'état d'urgence, c'est-à-dire perquisition de jour comme de nuit, ce qui est possible sans état d'urgence que dans certains cas, et perquisition sur ordre des préfets. Les personnes qui sont concernées par ces perquises, en fait, c'est les mêmes critères que les 3 critères dont on parlait tout à l'heure pour l'assignation à résidence. Et les lieux perquisitionnés, ça va être sur la base qu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces lieux sont fréquentés par les personnes, du coup, qui correspondent aux critères Donc si tu es suspecté, s'il y a des raisons sérieuses de penser que ton comportement pourrait, je sais plus quoi, faire des troubles à l'ordre public, et que tu fréquentes des lieux, mais les lieux ça peut être les domiciles de tes potes, les lieux associatifs que tu fréquentes, ça peut être enfin n'importe quel lieu en fait, hormis une liste de lieux comme les... comme des cabinets d'avocats, comme des permanences d'élus, etc. Bon, ça, on y va quand même pas. Mais sinon, il y a moyen d'aller perquisitionner chez tes potes si on estime que tu vas souvent chez tes potes. Et que... Enfin, voilà. Contrairement aux modalités de l'état d'urgence, le préfet, il doit être autorisé par le PROC à ordonner les perquises. Du coup, dans l'état d'urgence, le préfet, il n'a pas besoin, en fait... que le PROC l'autorise, il a juste besoin de l'informer. Donc là, il faudra quand même qu'il ait l'autorisation du PROC, mais dans les faits, c'est comme pour les gardes à vue, en fait, c'est rare qu'un PROC, il dise « non, le faites pas ». Sauf, j'imagine, s'il s'agit de François Fillon et compagnie, quoi. Donc là, le préfet, il pourra décider, en fait, d'ordonner les perquisitions. Et les perquisitions de nuit seront, c'est le PROC qui pourra les décider, alors qu'aujourd'hui, dans le droit, en fait, c'est pas un procureur qui peut décider une perquisition de nuit, c'est un juge des détentions et des libertés. Voilà, je sais pas si je continue, parce que je trouve que c'est un petit peu long. Je vais juste dire de quoi parlent les autres articles, vite fait. Les articles 5 à 7, ils permettent la généralisation et la pérennisation du fichage des passagers aériens et maritimes. Du coup, PNR et compagnie. Voilà, les articles 8 et 9, ils viennent renforcer les textes déjà existants sur la surveillance électronique, et notamment, ils vont permettre aux flics et aux militaires, après décision du Premier ministre et avis de la Commission nationale de contrôle de technique et de renseignement, d'intercepter les communications Wi-Fi sur les réseaux locaux. C'est vrai que pour l'instant, ça faisait pas partie de la loi renseignement. Bon, ben maintenant, en tout cas, ce projet est adopté. Ils pourront intercepter les communications Wi-Fi. Et il leur sera possible, sans autorisation, il sera possible aux militaires de l'armée, sans autorisation, d'espionner les communications radio et satellites. Donc ça, c'est les articles 8 et 9. Et l'article 8, il modifie les conditions de contrôle en zone transfrontalière. Et ça, c'est... moi, je trouve que c'est un des articles les plus trash. En fait, il va permettre de procéder à des contrôles dits transfrontaliers. Donc c'est des contrôles qui répondent à des réglementations précises. Ça va être possible de faire ces contrôles-là à proximité des gares et pas seulement dans les zones frontalières. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous voyez comment les personnes elles sont traitées, notamment à Calais et à Vintimille, qui peuvent être considérées comme des zones transfrontalières. Et ben, ce traitement inhumain des personnes, en fait, il va être généralisé en fait, dans toutes les gares du territoire si ce projet de loi y passe. Et je pense que je vais arrêter là pour ce soir parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Peut-être on aura l'occasion d'en rediscuter. Oui, on va faire en feuilleton. Peut-être faire en feuilleton, ouais. Et puis moi, je vous invite à aller vous renseigner. J'invite les personnes qui nous écoutent à aller se renseigner, en fait, sur ce projet qui est quand même bien puant. Et voilà, quoi. Et sur le site du Monde. Elle n'est pas sur le site du Monde. Et sur la délinquance en col blanc, il n'y a toujours pas d'état d'urgence Non, par contre, non, ça n'a pas l'air. Ils ont l'air protégés, en fait, hein, de toutes ces mesures. Ouais, c'est le changement à Macron. C'est en marche arrière. Mais écoute-la, cette voix dégueulée sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres. Cette voix immonde qui prend du poids et des galons. Qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge. Habitée d'une haine si virulente qu'elle en ébarge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire. Cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre est d'humeur assassine. Elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son taux de mélanine. Reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine. Ses théories sont consanguines, parle de flingues, de carabines. Défend une France en blanc ou en bleu marine. Alors le port et sa portée de Gorès enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance. Elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres. Elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante. Et heureusement elle n'hésite pas à prendre la tangente. Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de tout étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond. C'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Ben voilà, vous êtes à nouveau à l'écoute du magazine Liberté. Moi, je voulais revenir sur ce qui s'est passé à Rennes au tribunal le 7 juin, où donc il y avait une personne arrêtée pendant la manif ni Le Pen ni Macron à Rennes. Et donc cette personne est accusée d'avoir lancé des pierres sur les flics. Donc, en fait, il y a des témoins lors du procès, mais il y a aussi beaucoup d'autres témoins sur place. En fait, le type en question n'était pas dans le cortège de la manif, mais il était à côté sur le trottoir avec une petite chaise pliante et une petite caméra. Et en fait, il filmait. Ça commençait à devenir chaud de l'autre côté et tout, donc il filmait ça. Et en fait, c'est vraiment ça que les Bacquets, en fait, voulaient lui le choper sa caméra. En fait, sa caméra, depuis, elle a disparu. Donc, les flics disent que c'est sûrement un pote à lui qui l'a récupéré. Voilà. Voilà, lui, le type, il dit que, qu'il a pas lancé de pierre sur les flics et tout. La défense a une vidéo de quelqu'un d'autre qui a pris une vidéo. Donc on voit bien que le type n'est pas dans la manif, mais sur le trottoir avec sa petite chaise pliante et sa caméra. On le voit se baisser, ramasser quelque chose. Là, le juge dit « Qu'est-ce que vous avez ramassé ?» Il a ramassé une coque de grenade. Et sur la vidéo de la défense, on le voit précisément. C'est une coque de grenade et non pas des cailloux. Voilà. Donc ensuite... Bon, le juge donc lui demande comment ces cailloux sont arrivés dans sa poche, parce que lui dit j'ai pas balancé de cailloux et j'avais pas de cailloux dans ma poche. Et il lui dit, mais vous avez été dans la voiture de la BAC, comment vous pouviez être assis et pas sentir un caillou dans votre poche arrière? Donc là, le type dit qu'il a été un peu molesté lors de son arrestation et qu'il n'a pas senti de caillou dans sa poche. Bon, bref. Donc là, il y a deux témoins qui arrivent. Donc les deux témoins sont deux femmes. Elles ne se connaissent pas entre elles et elles ne connaissent pas l'accusé. Elles sont témoins et donc elles jurent et tout. Bon. Et elles racontent qu'elles ont vu les policiers placer une pierre dans la poche d'une personne qu'ils interpellaient. Elles ne sont pas sûres que ce soit celui qui est là accusé, mais voilà. Elles disent qu'elles ont été choquées évidemment par cette scène. Et qu'il y a un groupe de passants aussi qui a été très choqué, qui a vu ça. Et un des passants a interpellé les bacchus en disant « Mais qu'est-ce que vous mettez dans sa poche ?» Et là, le bacchus reprend la pierre dans la poche, il la montre bien, bien à tout le monde, et il dit « C'est ce qu'il nous a jeté !» Et pof, il remet dans la poche. Enfin, vraiment, ils sont dans une telle impunité qu'il peut... Enfin voilà, avec je sais pas combien de témoins... Voilà. Donc, en fait, ces deux témoins, ces deux femmes vont être cuisinées comme pas possible par ce juge. Il s'appelle Léger. Voilà, donc... C'est du lourd. Oui, il est très lourd, monsieur Léger. Il est grave. Donc les témoins sont ramenés chacune dans une salle pour que voilà, ils puissent pas communiquer. Après, elles sont rappelées. En fait, on les fait revenir au moins trois fois pour retémoigner de la même chose. On leur demande la couleur du caillou, la couleur de la chaise pliante du mec, enfin n'importe quoi. Bon, bref, le verdict tombe. L'accusé, il est reconnu coupable. Il est condamné à 6 mois de prison. De sursis, 3 ans d'interdiction de manifester en Ille-et-Vilaine. Et il est condamné à verser à chacun des deux bacqueux 550 euros. Voilà, pour le préjudice moral qu'ils ont subi, parce que, soi-disant, il a lancé des cailloux, mais personne n'a été blessé, ils n'ont pas dit tété, rien du tout. Et à ce moment-là, le juge Léger accuse les deux témoins de faux témoignages. Et elles sont dans l'enceinte du tribunal, menottées et conduites à l'étage pour être présentées devant un juge d'instruction. À ce moment-là, il y a le procureur qui quitte le tribunal parce que je suppose qu'il comprend rien ce qui se passe. Tout le monde est sidéré là-dedans. Et c'est pas comme si habituellement les procureurs étaient plutôt d'accord avec ce genre de pratique. Ben ouais, mais là, je crois que ça dépassait vraiment. Même les flics étaient estomaqués. Bon, bref, alors, ensuite, elles sont finalement, elles sont embarquées à l'étage menottées devant un juge, et finalement, elles sont auditionnées comme témoins assistés, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas aller, voilà, dans le cadre de l'information judiciaire. Donc, elles sont témoins assistés pour juger de la véracité de leur témoignage à elles-mêmes, quoi. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Donc elles sont libérées sans aucun contrôle judiciaire ni mesure de sûreté. Par contre, leurs téléphones portables sont placés sous scellé en attente d'éléments permettant d'établir leur culpabilité. Enfin, vraiment, ils tiennent. Bon, bref. Donc voilà, voilà. Donc après, bon, il y a toute une analyse là de... les gens se demandent est-ce qu'on arrête de mobiliser des témoins pour leur épargner ce genre de truc, ou alors est-ce qu'on systématise la pratique de faire appeler des témoins un maximum pour contredire. Mais je crois que la parole des flics n'arrive pas, il n'y a pas moyen, quoi. Bon. Alors que dans cette affaire-là, les flics ils sont partis civils, et du coup la parole de ces flics qui sont partis civils, elle vaut pas, non. Elle vaut rien plus de plus que la parole en fait des témoins. Bien sûr. Oui, mais ce sont des flics. Oui. Ouais, voilà. C'est clair. Et du coup, le truc d'impunité que tu soulevais tout à l'heure, quoi, que de toute façon, ils sont tellement en impunité que Bon, même d'être grillé devant un tribunal à avoir mis de la caillasse dans les poches de quelqu'un, c'est pas grave. Et c'est les personnes qui témoignent à l'encontre des flics qui se retrouvent emmerdées. Ben ouais, donc c'est pas un problème. Quoi. Youpi. On fait une pause. Vous savez que le Parti Socialiste est mort. Et là, je vais vous passer un petit morceau de musique. Et pendant ce petit morceau de musique, je vais vous demander d'observer une minute de fou rire. Oui. Ok. Ou de bordel. Bon, et ben voilà, après ce petit moment d'intensité incroyable. On s'est bien marré. Oui, c'est vrai. En tout cas, nous sommes de retour donc dans le magazine Libertaire et ça va être l'heure du billet foutrac. Donc là, c'est la quatrième semaine de torture économique que je vous inflige et on va parler un peu du libertarianisme. Voilà. Dans la pomme véreuse, qu'est le monde dans lequel nous vivons, le ver en question n'est pas le libéralisme. Ni même ces surnoms d'ultralibéralisme ou de néolibéralisme dont on l'affuble si souvent et malgré nous pour le rendre plus moderne qu'il ne l'est en réalité. Ce n'est pas non plus l'argent, tout outil pourri qu'il soit pour les trop fragiles bipèdes que nous sommes. Ce pourrait être en revanche bien plus cette quête totale de l'individu en tant que barycentre, entendre ici le point d'équilibre ultime d'un système quel qu'il soit. Et forcé de constater qu'en la matière, cette quête n'a pas attendu la réémergence du libéralisme dans le courant des années 70 pour s'imposer à l'ensemble des humains vivant sur cette planète Terre. Le mouvement contestataire des années 60, par sa multiplicité, sa complexité et sa proximité temporelle avec le temps présent, nous offre des lectures aussi divergentes que disparates de ces réalités. Il fut tour à tour, autant qu'en même temps, une agitation anti-autoritaire, un moment crucial de l'histoire progressiste ouvrière, une libéralisation sociale de grande ampleur des mœurs cadenassées des pays occidentaux, un bête et certain marchepied pour certaines personnalités à l'ambition carnassière, ou encore, voire surtout, car sous-tendu en toile de fond, l'expression et le ferment d'un individualisme en tant que recherche absolue d'un épanouissement individuel. C'est qu'il y a une logique régissant cet entremêlement inextricable de collisions sociétales. De fait, mai 68 arrive à peine deux décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'apogée du nazisme. Pas étonnant dès lors que se manifestent des résurgences directes liées au grand traumatisme historique qui marquera de manière indélébile l'histoire humaine tant que l'humanité survivra, cela va de soi. Car le nazisme peut être perçu lui-même comme une violente réaction face au changement, voire au progrès, dont pouvaient lentement commencer à profiter les individus depuis les théoriciens de la Renaissance jusqu'aux penseurs des Lumières. En passant par la Révolution française et sa tentative d'instaurer une déclaration des droits de l'homme, En continuant par la mise en perspective des sociologues Tardé et Lebon pour leurs études des masses individualisées et des foules collectives, sans omettre les relatives avancées en termes d'instruction scolaire ou extrascolaire pour une part toujours grandissante de la population entre le 19e et le 20e siècle. Dans cette recherche un peu camouflée de l'épanouissement du libre-arbitre, censé nous différencier des autres formes de vie nous accompagnant, l'individu, en tant qu'être indivisible, gagnait objectivement de plus en plus de terrain. Il était grand temps de réagir, foutre Dieu. Car de fait, ces évolutions ne faisaient pas le jeu de tout le monde, toujours selon la même équation en vase communicant du bonheur des uns et du malheur des autres. Les autres en question furent principalement les privilégiés, que les différents régimes récents dits démocratiques avaient déjà contraints à partager, sinon le pouvoir, faudrait quand même pas déconner, tout au moins le droit de vote. Oui, c'est vrai, on n'a pas tellement avancé depuis, et alors ? D'autres malheureux se rallièrent à la cause sous la bannière autoritaire, persuadés qu'ils étaient qu'une société ne pouvait fonctionner que par une hiérarchie coercitive doublée d'épuration ethnique, sans quoi c'était la décadence assurée. C'est ainsi que les nazis mirent en place la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple aryen, régie par des règles raciales autant que par la négation ultime de l'individu au profit d'un slogan transformé en principe politique puissant et bien plus dégueulasse encore, « Tu n'es rien, ton peuple est tout ». On peut comprendre que l'après-guerre devient à ce titre le théâtre d'une inversion de tendance flagrante. Bien sûr, le nationalisme ne disparaît pas. Aussi, sous quelque forme que ce soit, on ressent toujours le besoin d'appartenir à un groupe auquel on arrive à s'identifier. Mais l'individualisation progresse comme mouvement de fond, répondant autant à des besoins, à des envies, qu'à des logiques beaucoup plus globalisantes et, pour tout dire, économiques. La propagande recyclée en publicité s'adresse désormais à autant d'individus que de consommateurs. Et c'est, ma foi, bien pratique. D'autre part, les théoriciens libéraux commencent doucement à revenir en odeur de sainteté. Le krach de 29 appartient à une autre génération. Et la Seconde Guerre mondiale a participé à une redistribution des cartes dont Hayek, le pape libéral avec lequel je vous saoule depuis plusieurs semaines maintenant, va profiter à plein. En 43, déjà, il publie « La route de la servitude », l'un de ses principaux livres dans lequel il associe par simplification nazisme et communisme en tant que système politique ayant pour but la suppression des libertés individuelles par le biais d'un état coercitif envers son sacro-saint marché. A l'époque, cet ouvrage est un succès colossal, qui fera des petits en inspirant toute une génération qui arrivera au pouvoir à partir des années 80, comme j'ai déjà annoncé dans les billets foutrac précédents. Mais il va inspirer un autre courant de pensée, dans lequel il tient lui-même une place prépondérante à partir des années 60, donc le libertarianisme. À vrai dire, Hayek remet surtout au goût du jour cette pensée née dans le courant du 19e siècle dans l'esprit d'un économiste français, Frédéric Bastiat, lui-même considéré comme le père du libéralisme moderne. Ce courant se définit à la base comme une défense jusqu'au boutiste de toutes les formes de liberté, mais en fait surtout individuelle, avec comme doctrine trois droits humains fondamentaux, à savoir la vie, la liberté et la propriété. En somme, personne n'a le droit de vous tuer, ni de vous enfermer contre votre gré, ni de vous voler. À part ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous ne violez pas ces trois règles principales. Cela implique en fait une totale liberté économique, afin de jamais interférer sur le marché. Ce qui est embêtant, car enfin, le fameux marché fonctionne par le biais des relations humaines, parmi lesquelles on retrouve forcément à un moment donné les concepts tels que la concurrence entre les agents économiques, en langage non barbare il s'agit de nous, hein. Ou encore, pour faire du profit, la domination d'un agent ou d'un groupe d'agents sur d'autres. Alors là, les libertariens s'en sortent par une pirouette à la Thatcher, à savoir qu'il y a des gagnants et des perdants, et que c'est à chacun de tirer son épingle du jeu. Voilà, bienvenue dans la jungle. Que le moins fort perde. À côté de ça, le mouvement libertarien a toujours trimballé son flou dans l'esprit de l'opinion publique, du fait de sa situation faussement complexe sur l'échiquier politique gauche-droite. À la manière d'un Macron, on peut considérer qu'il n'est ni tout à fait à gauche, ni tout à fait à droite, ou plus vraisemblablement, qu'il est de gauche et de droite. Pour tout ce qui concerne les questions sociétales, il est plutôt de gauche. Par le prisme des libertés, les libertariens défendent en effet, à titre d'exemple, l'usage du cannabis, l'interruption volontaire de grossesse, le droit d'immigrer d'où que l'on vienne et où que l'on veuille aller. Bon, une vision cosmétique et marketing, car ils défendent aussi le droit du port d'armes, puisque, en tant que bon propriétaire, si quelqu'un enfreint sa loi, cela vous autorise à vous faire justice. Du point de vue économique, sinon, ils sont clairement à droite, puisqu'il ne faut surtout, mais surtout pas toucher au marché. Bon, ça c'est pour simplifier, car dans les faits, il existe une petite multitude de courants libertariens. Le minarchisme, qui accepte l'État pour protéger les bases de liberté individuelle. L'anarcho-capitalisme, qui refuse la nation d'État afin que le marché soit le plus libre possible et que chaque individu puisse être un propriétaire absolu. Le paléolibertarianisme, mélange d'anarcho-capitalisme et de conservatisme social. Le libertarianisme de gauche, oui oui, associant propriété privée et gestion collective des ressources naturelles. Bon, ce qui paraît compliqué, même sur le papier, mais bon. Le futurisme ou transhumanisme libertarien, prônant le développement des sciences et de la technologie en vue d'augmenter la liberté des individus. Puis aussi le panarchisme, le mutualisme, le libertarianisme chamanique, l'agorisme, etc. Bref, vous l'aurez compris, un ensemble disparate de gens qui ne sont pas prêts du tout de se mettre d'accord sur le mode de vie auquel ils adhèrent. Bon alors, ces furieux du laisser-faire, laisser-aller, s'enfiler, on verra bien après, ne semblent pas encore être une réelle menace à un mode de vie solidaire, et qui me semble personnellement plus pérenne et souhaitable. C'est vrai. Pourtant, aux États-Unis, là où les libertariens sont le plus répandus, le mouvement prend au fil du temps de plus en plus d'ampleur, comptant plusieurs millions d'adeptes. Il fait sa promotion par le biais de célébrités aussi diverses que variées, des acteurs, des actrices, musiciens et musiciennes, mais aussi des hackers issus de l'open source, des philosophes, écrivains, économistes, universitaires de tout poil, des hommes politiques bien sûr, et évidemment des hommes d'affaires. Car comme toujours, l'important, c'est le nerf de la guerre. Sur ce terrain-là, il faut bien avouer que les libertariens sont plutôt bien armés. Ainsi, les frères Koch, mania du pétrole, du gaz, de la finance, tout autant que du plastique, du textile et de l'agriculture, sont deux libertariens assumés et revendiqués. Leur fortune personnelle est évaluée pour chacun à plus de 40 milliards de dollars. Ouais, ça pose un truc. Et ces deux ultra-conservateurs n'ont qu'une obsession en tête, affaiblir l'État pour avoir sa peau, et ainsi avoir les mains totalement libres, économiquement, il s'entend. Pour ce faire, comme les moyens ne manquent pas, ils financent plus d'une vingtaine de centres de réflexion, parmi lesquels le mouvement libertarien, avec pour lui seul plusieurs centaines de millions de dollars. L'idée de fond est donc de provoquer un shutdown, une fermeture de l'État américain. Pour cela, ils ont fortement influencé la dernière élection présidentielle en minant le terrain républicain pour faciliter le choix de Donald Trump comme candidat, le tout sans le soutenir officiellement, mais en étant présent à ses côtés après son élection quand même. Le prochain espoir donc des frères Koch, c'est Rand Paul, membre du Parti républicain, libertarien évidemment, figure centrale du mouvement ultra-conservateur du Tea Party, actuel sénateur de l'État du Kentucky et qui possède des ambitions présidentielles assumées. Un parfait poulain en somme pour prendre la suite présidentielle après l'affaiblissement de l'establishment opéré par Trump, si celui-ci réussit à se maintenir en poste jusqu'en 2020. Une élection qui paraît improbable aujourd'hui, au moins autant que celle de Trump il y a un an. De Macron. Mais je retraque à ta santé. Bienvenue sur ma terre en Bretonie, où entre le rayon de soleil j'aurai tes montagnes d'Algérie. Ici j'ai appris avec le temps que l'argent ne ferait pas le bonheur et qu'il faudra faire autrement. Entre Irma et Salam, entre l'odeur des couscoussières et le petit beurre au Queen Yaman. J'ai grandi entre Alger et Bamako, entre Istanbul et Phnom Penh, en passant par Porto. Le tour du monde en 15 étapes à chaque étage, que des prolos qui rêvent de toucher les nuages. Ici l'argent a juste laissé son odeur, des billets verts on n'en voit jamais la couleur. Chez nous la crise a pris place dans nos salons, et les darons pour la virer rêvent de péter l'euro million. Irmatin, Azul Kenavo, Irmatin, et un salam pour les poteaux, Irmatin, de Alger à Saint-Malo, Irmatin, Alikouma, Irmatin, Azul Kenavo, Irmatin, et un salam pour les poteaux, Irmatin, de Alger à Saint-Malo, Irmatin, Alikouma. Y'a salam, Kenavo, Nangadef ou bien le bonjour. Les sourires vont avec, sinon t'as plus qu'à faire demi-tour. Et laisse pas traîner tes idées un peu fascistes, car ici en BZH, on blaire pas les racistes. On t'apprendra comment les grands nous ont appris, comment respecter les anciens avant le respect du profit. Que sans un sou, on sait comment tout partager. On t'apprendra le mot solidarité. On a appris bien souvent seul que les départs sont pas les mêmes, et que les dés seraient pipés bien avant même que l'on dégaine. mais on court plus vite que les balles. On a appris comme au pays à faire les 100 mètres en sandales. Alors je cours comme ont couru mes aïeux, sans jamais plier le genou, sans jamais baisser les yeux. Même dans tes rêves, je n'arrêterai jamais de courir. De tes cauchemars, je serai sûrement le pire. Hier matin, Azul Kenavo, hier matin, et un salam pour les poteaux, hier matin, de Agir à Saint-Malo, hier matin, hier matin, les gommes. Hier matin, Azul Kenavo, hier matin, et un salam pour les poteaux, hier matin, de Agir à Saint-Malo, hier matin, hier matin, les gommes. Hier matin, les gommes, soyez les bienvenus. J'ouvre ma porte, quelle que soit ta tenue. Ta langue, ta culture, ta façon de dire salam. Y'aura toujours une place pour accueillir une bonne âme. Laisse à ma porte tes chaussures et tes peurs. Laisse-toi porter par le bruit et l'odeur. Oublie un peu les ragots qu'on colporte. Tu verras bien que sans, y'a des chances qu'on s'en sorte. Entre deux tours, on a compris le message. Que le faciès est un délit et que Jean-Marie ferait le ménage. On a beau dire, on s'en fout, on est chez nous. Mais tant que la flamme brûle encore, on sait qu'on n'y est pas du tout. Du haut de ma tour, j'ai vu des destins se briser. En passant par la case-prison et finir par s'habituer. J'ai vu comment les gosses rêvent de grandir. Comment les vieux se sont battus avant de partir. Hier matin, Azul Kenavo, hier matin, et un salam pour les poteaux, hier matin, de Agir à Saint-Malo, hier matin, les gommes. Hier matin, Azul Kenavo, hier matin, et un salam pour les poteaux, hier matin, de Agir à Saint-Malo, hier matin, les gommes. Hier matin, Azul Kenavo, hier matin, et un salam pour les poteaux, hier matin, de Agir à Saint-Malo, hier matin, les gommes. Hier matin, Azul Kenavo, hier matin, et un salam pour les poteaux, hier matin, de Agir à Saint-Malo, hier matin, les gommes. Hier matin. Donc voilà, on continue. Donc moi je voulais parler d'un truc là, c'est des associations et des syndicats. Donc il y a l'ADDE, c'est les avocats pour la défense des droits des étrangers. L'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. La CIMAD. Et le syndicat des avocats de France. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait dans les locaux de la police aux frontières à Menton, dans les Alpes-Maritimes, donc des migrants qui étaient enfermés totalement illégalement avant d'être refoulés vers l'Italie. En mai dernier, la CIMAD et l'ANAFE ont voulu aller voir ce qui se passait dans ces locaux. Et donc, ça s'appelait à ce moment-là une zone de rétention provisoire. Et en fait, ils n'ont pas pu accéder, ils n'ont pas pu visiter. Une deuxième visite, ensuite, là, ils ont pu accéder. Et donc, ça a confirmé qu'il y avait des personnes qui étaient bien privées de liberté. Donc, le commandant de la PAF, dans un premier temps, affirme qu'il s'agit d'une zone d'attente. Et comme les représentants de ces associations sont habilités à visiter toutes les zones d'attente, en fait, le commandant est revenu sur ce qu'il disait. Et en fait, il dit non, c'est une zone de rétention provisoire pour les personnes non admises. Enfin, c'est un lieu privatif de liberté pour les personnes qui vont être réadmises en Italie. Je cite le commandant de la PAF. Donc voilà. Donc les associations voient aussi que le premier étage de la gare de Menton est également utilisé comme lieu d'enfermement. Donc elles ont saisi le tribunal administratif de Nice le 6 juin. Et le lendemain, il y a eu l'audience. Donc... il y a eu le témoignage de migrants qui sont passés par ce lieu. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matelas, il y a des bancs, c'est tout. Il y a pas, on ne leur file pas à manger. Donc il y a 100 à 150 personnes qui passent chaque jour par ce lieu. Il y a des durées assez courtes, une journée, certains restent la nuit, et le temps d'être renvoyés en Italie. Il y a certains migrants qui avaient réussi à se faire enregistrer pour avoir un rendez-vous pour leur demande d'asile, mais ils ont été interpellés, envoyés dans cette zone et puis envoyés en Italie. Donc on n'a pas pris en compte qu'ils peuvent être des demandeurs d'asile ou des mineurs isolés. On ne leur laisse pas la possibilité d'une assistance juridique. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve face à un tel lieu en France. Parce que donc les zones d'attente, c'est les personnes qui débarquent, c'est souvent dans les aéroports, qui arrivent sur le territoire. On les met en zone d'attente avant de vérifier, savoir c'est qui, c'est quoi et tout ça. Et les centres de rétention, par contre, c'est là où on enferme des personnes qui sont déjà sur le territoire. Et là, c'est un lieu qui n'est ni une zone d'attente, ni un centre de rétention. C'est un truc bâtard, voilà. Et donc, en fait, c'est une... Donc la création a été prise de ce lieu par le préfet des Alpes-Maritimes. Donc les associations demandent... donc il n'y a pas eu de suite là, le tribunal administratif. Les organisations ont déposé une requête en référé liberté. C'est une procédure d'urgence en cas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales par une administration. Donc voilà, elle demande de faire la lumière sur ce lieu et de suspendre la décision du préfet. Voilà, bon. Une zone de non-droit quoi, en France, à Menton. Et il rappelle aussi que c'est dans cette région où il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées pour aide aux migrants. Oui, c'est dans le sud-est. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pas compris s'il y avait eu, il n'y a pas eu réponse encore du référé non, liberté. Non, pas encore. Le référé liberté, donc, on devrait avoir la réponse le 12 juin prochain. C'est le tribunal administratif. La décision du tribunal administratif. Bah, si on ne l'a pas encore, c'est on est le 15, mais... Mais elle n'a pas été communiquée. Non, okay. Oui, 12, 15. ok, on fait une petite pause. Le gibier sans papier a du souci à se faire, le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors, à coups de grosses rangers. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à la résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Monsieur le président a dit à monsieur le ministre de dire à monsieur le préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires. À la porte les métèques, on veut que des pots clairs. Les ordres sont d'user de méthodes efficaces. Appel à délation pour expulser les sales races. Paris a des faux airs d'un Vichy sous occupation. Réminiscence d'une époque, le fantôme s'appelle Papon. La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours mon frère, cours ma sœur. Pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France. Ils ont voté. Et maintenant silence. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à la résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Un mouton. T'as tes papiers ? Non. dommage. Entendez-vous, chers citoyens, le corps de chasse qui sonne. Françaises, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie des droits de l'homme, je décrète quand ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre, sachez chasser comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chassez croisé, les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier, vers ton pays lointain, on doit te faire retourner. Peu importe, c'est là-bas, c'est la mort qui t'attend, six pieds sous terre. Hors la loi, hors de la loi, des yeux loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu peux toujours courir. Cours, cours, dois devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde-chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, c'est sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à la résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Un enfant vient de naître, la chasse est ouverte. Une femme se jette par la fenêtre, la chasse est ouverte. C'est la sortie de l'école, la chasse est ouverte. Au berceau, à l'hôpital, la chasse est ouverte. Aux armes, citoyens, la chasse est ouverte. Du 1er au 31, la chasse est ouverte. Tant l'hiver, printemps, été, la chasse est ouverte. Samedi, dimanche et jours fériés, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Juste un petit mot là pour rappeler qu'on a un camarade qui est en grève de la faim maintenant depuis 24 jours et donc qui a besoin de soutien. Donc c'est par rapport à toutes ces difficultés avec la mairie, la MSA pour l'installation d'exploitations agricoles. Et ça fait des années qu'il est vraiment embêté. Et donc il y a un site ou un blog qui s'appelle Indignons-nous, tout attaché, .blogspot.fr. Et donc voilà, s'il y a moyen de au moins de lui apporter, enfin de lui faire un petit coucou, envoyer un petit message, ou passer le voir. Voilà. Et on va passer aux annonces. Oui, donc la première annonce, c'est pour demain, c'est du côté de Bure, du côté du projet du site d'enfouissement de déchets nucléaires. Donc à Bure, du 16 au 18 juin, il y a des rencontres contre la tôle, donc des rencontres anticarcérales. Durant 3 jours, le collectif nouvellement créé anarchiste Bure Cross s'invite à participer à des projections et discussions autour de la prison. Ça se passe à la maison de résistance à Bure. Par la suite, nous entendons par rencontre nous retrouver avec celles et ceux qui entendent lutter pour la suppression des prisons et les dispositifs coercitifs sous toutes leurs formes. Comme ils l'ont dit, ce sont des rencontres anticarcérales. Nous ne pensons pas qu'il y ait d'alternative possible à la prison, mais qu'elle est l'outil systématique d'un contrôle social. Par conséquent, nous voulons proposer un week-end qui analyse le système carcéral et qui nous permette pour jeter des bases d'organisation, d'un réseau de lutte contre les prisons actuelles à venir, ainsi que tous les dispositifs qui en découlent. Une trentaine de nouvelles prisons sont actuellement en projet de construction en France. C'est une continuité dans la politique d'enfermer toujours davantage de gens qui ne correspondent pas aux normes sociales. Les prisons sont remplies de pauvres, d'étrangers, étrangères et de toutes celles et ceux qui s'opposent à cette injustice sociale. Alors, au programme donc à Bure, la journée de vendredi sera dédiée à des discussions ouvertes et de retours d'expérience sur la tôle et à toutes les expériences de détention qui touchent chaque jour davantage d'entre nous, particulièrement après le mouvement social durement réprimé de la loi travail. En soirée, il y aura des projections autour de la tôle. La journée de samedi accueillera Kiyou et Nadia autour de leurs livres respectifs « Beau comme une prison qui brûle » et « À ceux qui se croient libres » qui retracent des vécus de tôle, de proches de prisonniers et prisonnières, de résistance de l'intérieur, de mutinerie et lutte anticarcérale passée. Il y aura Gaël avec le livre « Frères de la côte » qui décrit la trajectoire des pirates somaliens emprisonnés longuement en France, coupés de leur famille, en présence de plusieurs amis somaliens emprisonnés. Il y aura des présentations, des stands, des discussions autour de lutte anticarcérale des années 70-80, peut-être en présence des amis engagés dans des collectifs à l'époque et les éditions Libertaria. Et en soirée, il y aura un gros concert, donc la soirée de samedi, un gros concert à l'ancienne gare de Luméville, à 5 km de Bure. Et la journée dimanche ouvrira la discussion sur les perspectives de lutte anticarcérale que nous pourrons construire dans les temps à venir, avec notamment un temps de partage et retour des groupes anarchistes Black Cross français et étrangers et autres collectifs incarcérés, anticarcéraux engagés contre les tôles. Et dans un second temps, il y aura des discussions plus concrètes sur des rendez-vous, des outils et formes d'organisation dans et devant les tôles et contre les futures prisons en construction. Alors, ensuite, donc mardi, donc durant à partir de mardi, durant la semaine d'action du 19 au 26 juin, il y a une cantine dédiée aux proches des détenus qui se présentent au parloir. Nous organiserons une cantine devant une tôle. Nous vous invitons à venir avec vos docs, vos films, votre info-kiosque, vos témoignages de proches et de détenus afin d'alimenter les tables tout au long du week-end. Alors, vous pouvez retrouver donc tout ce programme sur vmc.camp. Voilà, c'est le programme de la lutte à Bure et donc contre le site d'enfouissement nucléaire et donc tout le programme de ce week-end et de la semaine prochaine. Alors une annonce spectacle-concert maintenant, ça se passe demain, vendredi 16 juin à 19h30 à la Wardine. La famille Wally est de retour pour le plaisir des yeux et des oreilles, des petits et des petits et des grands et grandes. Alors à 19h30, spectacle de clown, le nez de Toya. Ensuite, après, c'est les concerts. À 20h30, Novice, ça c'est la prose électrique. À 22h, Narma et The Walili Beat Brothers, c'est du Word and Roll à bretelles. À minuit, Shush and Molotov, ça c'est du punk. Et à 1h15, Tante Simone, musique indéfinissable à tendance mat rock and roll. Et aussi la Batucada Bloco Loco qui sera là pour assurer l'ambiance toute la soirée entre les scènes. Voilà, c'est à la Wardine, 19h30 demain. Samedi 17 juin à 14h à Rennes au bar Le Panama, c'est 28 rue Bigot de Préameneux. C'est les petits éditeurs de Rennes, enfin ça s'appelle Panama Papier, c'est le salon des petits éditeurs, et c'est les petits éditeurs de Rennes qui sont rassemblés dans l'association La Rennaise d'édition qui vous invite au bar Le Panama pour le premier petit salon des Panama Papier. Une façon de promouvoir l'édition indépendante alternative qui est si importante dans le monde du livre, le monde des idées, de la création en tout genre. Or, cette édition indépendante a souvent peu de visibilité dans un marché de l'édition où l'empreinte des grands groupes est là très grande. Plutôt que de nous résigner à cette situation, créons des espaces où nous pourrons mettre en avant des livres pour leur qualité, pour les perspectives qu'ils ouvrent, les idées qu'ils véhiculent, les imaginaires qu'ils nourrissent. Ça se passe à Rennes, au bar Le Panama. Et c'est samedi 17 juin à 14h. Et toujours samedi 17 juin à 14h, place de l'Amérique latine à Saint-Nazaire, c'est la Marche des Fiertés. C'est l'association Queer Aman, une association collégiale nazérienne en cours de création, qui invite les personnes à se joindre à la marche et qui invite les collectifs aussi à s'y joindre. Ils se sont donnés pour objectif de lutter pour les droits et la visibilité des personnes faisant partie des groupes marginalisés, subissant des formes de domination, d'oppression ou de discrimination basées sur l'orientation sexuelle et ou romantique, l'identité de genre, ainsi que les personnes intersexes et toutes les personnes en questionnement sur leur appartenance à des groupes marginalisés. Pardon. Du coup, je lis leur petit appel. C'est, nous organisons le premier rassemblement des fiertés LGBT+, MOGAI, intersexe, genre et orientation marginalisée, à la place de l'Amérique latine de Saint-Nazaire, le 17 juin à 14h, et nous prenons l'initiative d'inviter divers collectifs et groupes présents à Saint-Nazaire ou dans les proches environs afin de se rencontrer, d'échanger et de lutter pour les droits des personnes concernées par ces thématiques. Nous, trans, intersexes, bi, lesbiennes, gays, travailleuses, ouvrières, syndiquées, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, antifascistes, anarchistes, citoyens, citoyennes et indépendantes, c'est tous ensemble qu'il faut lutter pour nos droits, car encore aujourd'hui, 30% des personnes transgenres qui recherchent un emploi sont victimes de discrimination, contre 13% pour les personnes homosexuelles ou bisexuelles. 19% des personnes ont été victimes d'actes ou de propos LGBT-phobes sur leur lieu de travail. Et 97% des personnes ayant été victimes de ces discriminations ne portent pas plainte. Il est rappelé que les élections législatives tombant autour du 17 juin, les groupes qui présentent un candidat ne pourront pas se faire de la pub durant cet événement. Donc c'est le 17 juin, c'est à 14h, place de l'Amérique latine à Saint-Nazaire. Alors toujours à Saint-Nazaire, donc samedi soir à partir de 19h au lycée expérimental, 17 boulevard René Coty, il y a la projection d'un documentaire qui s'appelle « Un monde moderne ». Alors je vous lis le synopsis. Afin de baisser les coûts de production, les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont mis en place une nouvelle organisation du travail en faisant massivement appel à la sous-traitance et à l'intérim. Parallèlement à la construction du plus grand paquebot du monde, le Queen Mary II, les salariés des chantiers racontent comment ils vivent cette nouvelle précarité. Donc c'est un film de Sabrina Malek et Arnaud Soulier. Et en fin 2002, donc, le Centre de culture populaire de Saint-Nazaire accueille en résidence les deux réalisateurs pour un an. Et en 2003, en pleine construction du Queen Mary II, il réalise, sans autorisation de tournage, à l'intérieur, un documentaire donnant à voir, entre autres, des conflits impliquant des travailleurs indiens et roumains employés par des sociétés fantômes avec lesquelles se traitent les chantiers Alstom. Donc ça, c'est au lycée expérimental à Saint-Nazaire, samedi 17 juin à partir de 19h. Alors la journée des 4 saisons, ça se passe le 18 juin, donc rendez-vous à 9h au Sans Nom pour le début de la deuxième journée des 4 saisons. L'idée est de se retrouver pour des chantiers à chaque début de saison pour prendre soin ensemble d'espaces dont nous avons un usage commun, route, bois, fossés, espaces utilisés collectivement, etc. Au-delà de l'aspect matériel, ces journées ont pour but de permettre aux occupantes de faire des choses ensemble au moins 4 fois par an et de rencontrer les soutiens de la lutte qui vivent autour de la ZAD en dehors des temps de réunion. Enfin, on profite d'être assez nombreuses réunies pour se partager des bouts d'histoire de la lutte. Alors pour ce 18 juin, il y a plusieurs chantiers qui ont été prévus, notamment un grand convoi en traction humaine de transport de bois de charpente. Alors les acharnés, H plus loin AR et plus loin NE, vous invitent à prendre part à un convoi bigarré, enjoué et non motorisé pour transporter des pièces de charpente depuis les Sans Nom jusqu'à Bellevue. Alors pourquoi on ne demande pas plutôt un tracteur ? On est un petit groupe donc d'acharnés à s'être lancé dans un cycle qui va de l'arbre sur pied jusqu'à la charpente en utilisant uniquement des outils manuels et des techniques traditionnelles. En ce moment, on est en train d'écarrir, donc transformer les troncs en pièces de charpente, à la hache les châtaigniers qui ont été abattus cet hiver et qui serviront à créer un appentis réalisé entièrement en bois taillé à la main sur le hangar du parking de Bellevue. On a eu envie d'aller jusqu'au bout de la démarche et de transporter le bois en utilisant la traction humaine. Il n'y aura pas de bruit de moteur, mais on aimerait bien que la parade soit festive. Alors, si tu as des instruments, des tambours, des carnets de chant et des percus faites maison pour rythmer la procession, viens avec pour que la déambulation se déroule sans moteur et dans la bonne humeur. Si tu as des sangles et ou une remorque, n'hésite pas à venir avec, on lâche rien. Voilà. Atelier panneau. Il y a un atelier panneau qui donc sera proposé pour refaire de manière lisible en pochoir les panneaux d'entrée du bourg des bourgades alentour afin de recouvrir les tags qui provoquent l'agacement de nos voisins. Oui. Sinon, à la route des chicanes, donc il y a deux chicanes qui avaient été prévues lors du processus qui a conduit au nettoyage entre guillemets de la route et qui n'ont toujours pas été installées. Donc les voitures peuvent donc rouler à vive allure entre les ardillères et les planchettes. Il est prévu de poser aux endroits qui avaient été choisis collectivement deux énormes souches d'arbres et de ramener de la terre pour les plantations. Il est aussi prévu de faire des pancartes claires et stylées à mettre sur cette route, notamment à destination des poids lourds. Il y a aussi une cueillette de cassis. Avec un peu de chance, le cassis qui se trouve au sabot sera mûr d'ici dimanche. Si oui, il sera cueilli collectivement afin d'être transformé en confiture le mardi suivant à la Noé Verte. Fontaine du Gourbi. Donc le but est de finir la fontaine du Gourbi. Tout le matos est disponible. Il faudra juste 5 à 10 personnes pour faire avancer le boulot. Et sinon, donc un point pratique, on finira par un goûter à Bellevue vers 17h avec tout le monde et on attend la confirmation d'un naturaliste qui viendrait nous causer d'un sujet de circonstance, l'usage des communs sur la zone. Vu que les chantiers sont un peu éparpillés sur la zone, une remorque Zedibus sera prévue pour que les gens des différents chantiers puissent se retrouver pour manger à midi à la Wardine. Il y aura des galettes, mais n'hésite pas à ramener pour compléter des plats végétariens uniquement, car la Wardine est un lieu végétarien. Même chose au moment du goûter. Et la suite, grâce à des sources proches du dossier, nous savons d'ores et déjà que l'automne commencera cette année le 21 septembre. Vu que cette fois on connaît la date en avance, on a décidé de caler la date de la prochaine journée des 4 saisons dès maintenant, histoire que tout le monde l'ait en tête. Et attention, message subliminal, laissez le temps aux personnes motivées pour s'organiser afin de préparer la prochaine. Ce sera le 23 septembre. Voilà. Le 24 juin. Non, Ah oui, c'est vrai. Ah, le 19 juin d'abord. Ouais, le 19 juin d'abord. En plus, il y en a deux. À Saint-Nazaire, donc contre Macron et ses ordonnances, toutes et tous dans la rue, le lundi 19 juin, à partir de 18h, place de l'Amérique latine, contre Macron et ses ordonnances. Donc voilà, tout le monde dans la rue. Et à Nantes, Front Social, donc pareil, le lundi 19 juin, à 18h, place du Bouffet. Un Front Social est né à Nantes pour lutter dans la rue contre le gouvernement Macron et ses velléités de briser le code du travail par ordonnance cet été. Dès à présent, nous appelons à un rassemblement, donc le 19 juin, place du Bouffet à 18h, contre ces ordonnances. Une réunion préalable du Front Social se tient le jeudi 15, donc ce soir, à 20h, à la Maison des Syndicats, c'est en ce moment. Venez nombreux dans la rue. Et voilà, c'est signé Front Social Nantes. À toi. Donc le 24 juin, du coup, c'est la fête du Jardin des Ronces. Ça se passe rue de la Papotière à Vieux-Doulon à Nantes. C'est en face du cimetière et on peut y aller avec le bus 12 ou le bus 87. Le Jardin du Ronce fête son quatrième printemps. Cette belle friche urbaine, vouée comme beaucoup d'autres aux alentours à être avalée par l'ogre métropolitain, n'en finit plus de résister. L'aventure de ce grand potager collectif autogéré continue de plus belle, et cette année encore, nous profitons de la fête du jardin pour souffler sur ce havre de paix et partager du bon temps simplement. Le programme, à partir de 14h, visite du jardin, et ça dure toute la journée, enfin c'est possible de le faire toute la journée. À 15h, conférence sur le blues, à 16h15 précisément, numéro de clown pour adultes, le grand 8, une conférence sur les émotions par Marguerite Damour. À 17h, concert sur le concert de Quai des Brumes, trio folk et musique grecque. À 18h, la chorale sans nom, le rock expéricoral, gospel, reggae, cantique et création barbare. De 19h à 20h30, repas préparé avec la cantine mobile court-circuit, repas à prix libre. De 20h30 à 22h30, concert de demi-sel, trio bal folk. Et à 22h30, homme orchestre Armando Balconi. Il y aura une buvette et des crêpes sur place. Il y a la possibilité de camper le samedi soir et dimanche 25, chantier participatif. C'est la reconstruction de la cabane de jardin en bois qui a brûlé dernièrement et la plantation des poireaux. Je crois qu'on a fini pour les annonces. On vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, ciao. Salut, salut. Ciao. Pas la peine de nous faire de faux plans, de résumer notre critique de la société. On est toujours sur le magazine Libertaire et on avait oublié de vous dire, il y a aussi une soirée de soutien le jeudi prochain, c'est le 22 juin. Ça se passe à la MOB, c'est rue du Général Bua et c'est une soirée de soutien à Radio Cayenne, qui est une radio web qu'on peut écouter sur mixlr.com/radio-cayenne. C'est à partir de 19h. Tous ces vivre dans l'indifférence. Cet immigré qui milite fait plus de bien que n'importe quel pauvre à la France. Je me permets de juger ce pays à l'état de ses prisons. Suicide, médicaments, mitards, hérisses, politiques, sociaux, matons et répression. Pays des droits de l'homme et des forces de l'ordre. Au bout du corps, le souci remplace la peine de mort. Les chiffres usés à force de mort. Ce système qui expulse et veut nous foutre dehors. Pays des droits de l'homme et des forces de l'ordre, au bout d'une corde, le souci remplace la peine de mort. Les chiffres usés à force de mort, ce système qui exclut, expulse. j'ai venu foutre dehors. Il est beau, il paye des droits de l'homme, pas fouet. Des bandits au pouvoir, les darons se cassent le dos à taper. Les lycées agrandissent dans les rues manifestes, te font ta passer. Oh merde, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va m'éteindre la vérité, hein. C'est quoi la flamme olympique? Situation rapide, la mine gang est mort, des suites coulent dans le pit. Le sang de nombreux innocents est marqué dans le béton. Mort dans les mains de la police, pas un seul flic, mais béton. Les yeux des médias se ferment, les journalistes ici sont bidons. Faites du scoop à jeune avec un bidon. Des sens qui prennent du ferme, s'il vous plaît. Peine après avoir clamé son innocence. S'il plaît d'abord parler de tolérance. Qu'est l'épaisseur du cahier de doléances. Laissez-les tous, allons voir ces riches voleurs. Fusillons-les tous, c'est plus que clair. Faut leur barrer la route et zigouiller leur boss. Pays des droits de l'homme et des forces de l'ordre au bout d'une corde. Le suicide remplace la peine de mort. Les chiffres usés à force de mort. Ce système qui exclut, expulse et veut nous foutre dehors. Pays des droits de l'homme et des forces de l'ordre au bout d'une corde.